Vous avez le droit de vous marier, dit Victorin, et pour mon compte, je vous rends la parole que vous m'avez donnée en m'accordant la main de ma chère Célestine. Quelle parole ? Demanda Crevel. Celle de ne pas vous marier, répondit l'avocat. Vous me rendrez la justice d'avouer que je ne vous demandais pas cet arrangement, que vous l'avez bien volontairement pris malgré moi, car je vous ai, dans ce temps, fait observer que vous ne deviez pas vous lier ainsi. Oui, je m'en souviens, mon cher ami, dit Crevel honteux. Et, ma foi, tenez, mes chers enfants, si vous voulez bien vivre avec Madame Crevel, vous n'auriez pas à vous repentir. Votre délicatesse, Victorin, me touche. On n'est pas impunément généreuse avec moi. Voyons, sapristi, accueillez bien votre belle-mère, venez à mon mariage. Vous ne nous dites pas, mon père, quelle est votre fiancée ? Dit Célestine. Mais c'est le secret de la comédie, reprit Crevel. Ne jouons pas à cache-cache. Lisbeth a dû vous dire. Mon cher monsieur Crevel, répliqua la Lorraine, il est des noms qu'on ne prononce pas ici. Eh bien, c'est madame Marneff. Monsieur Crevel, répondit sévèrement l'avocat, ni moi, ni ma femme, nous n'assisterons à ce mariage. Non par des motifs d'intérêt, car je vous ai parlé tout à l'heure avec sincérité. Oui, je serai très heureux de savoir que vous trouverez le bonheur dans cette union, mais je suis mû par des considérations d'honneur et de délicatesse que vous devez comprendre et que je ne puis exprimer, car elles raviveraient des blessures encore saignantes ici. La baronne fit un signe à la comtesse, qui, prenant son enfant dans ses bras, lui dit « Allons, viens prendre ton bain, Venceslas. Adieu, monsieur Crevel. » La baronne salua Crevel en silence, et Crevel ne put s'empêcher de sourire en voyant l'étonnement de l'enfant quand il se vit menacé de ce bain improvisé.